RDL 103.5 Mercredi 10h-11h Musique RDL, il est 10h. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 103.5 dans tout le centre Alsace. Vous êtes bien sur RDL, on est mercredi entre 10h et 11h et vous le savez, chaque mercredi c'est musique. Alors vous connaissez certainement le principe si vous suivez cette émission depuis la toute première, il se trouve que c'est la 11e, et oui déjà aujourd'hui, et bien le principe c'est tout simple. 6 chansons de la variété française internationale incontournable que vous connaissez forcément, on les découpe en décennies selon leur année de sortie et ainsi on traverse un petit peu l'univers de la seconde moitié du 20e siècle en chansons des années 1960, on fait ensuite les années 70, 80, 90, 2000 et 2010 et on fait pas seulement que les écouter, on les décrypte, on les explique également. Qu'y a-t-il derrière ces chansons? Quelle est leur histoire, leur origine? Comment sont-elles nées? Que racontent-elles et comment traduire les paroles en langue étrangère? Vous êtes bien sur RDL, voici tout de suite le sommaire de l'émission. Et en 1966, eh bien, Frank Sinatra revenait sur le devant de la scène avec une célèbre chanson intitulée Strangers in the Night. En 1977, Michel Polnareff lui aussi revenait sur le devant de la scène après un léger passage à vide. Lettre à France devient l'un de ses plus grands succès en 1977. Et puis elle, par contre, son premier très très grand succès, c'est grâce à cette chanson qu'elle a fait une grande carrière. C'est Jeanne Masse avec En rouge et noir, ce sera également sur RDL, ça date de 1986. Et puis, vous allez également savoir dans cette émission que la chanson Tombée pour elle, qui date de 1995, a littéralement boosté la carrière de Pascal Obispo. Ça l'a même sauvé, vous allez voir dans quelles circonstances. Et puis, comme Jeanne Masse, Kyo, mais c'était en 2002, cette fois, avait un premier succès et a lancé ainsi leur carrière. C'est Le Chemin, la fameuse chanson qui a lancé leur carrière. Et puis vous allez voir en fin d'émission que la chanson Don't Be So Shy d'Imani, qui date de 2014, entre la version originale et la version remixée qui a été l'un des plus grands tubes de l'été de l'année dernière, eh bien il y a un sacré gouffre. Vous êtes bien sur RDL, maintenant que vous avez le sommaire, je vous propose sans plus attendre de passer à la toute première chanson que vous connaissez forcément, elle date des années 60, c'est la célèbre chanson Strangers in the Night. Alors c'est l'un des plus grands succès de Frank Sinatra, 3 ans précisément avant le tube My Way, la reprise du Comme d'habitude de Claude François. Alors pour la traduction donc de cette chanson, alors les premières paroles, des étrangers dans la nuit s'échangeant des regards, se demandant dans la nuit quelles étaient les chances de partager l'amour avant que la fin de la nuit. Quelque chose dans tes yeux était si encourageant, quelque chose dans ton sourire était si excitant, quelque chose dans mon cœur me disait que je devais t'avoir. Et enfin le refrain, des étrangers dans la nuit, deux personnes seules, nous étions des étrangers dans la nuit, jusqu'au moment où nous nous sommes parlés pour la première fois, nous en savions peu. Alors c'est vrai qu'en traduisant les paroles, on pourrait penser que bah, c'est un petit peu une chanson classique, comme souvent. Vous allez voir que là, comme je l'ai fait un petit peu en façon poésie, comme je le fais souvent, ça fait beaucoup moins que quand c'est Frank Sinatra qui chante la chanson. On va être un petit peu beaucoup honnête d'ailleurs. Alors, il faut remettre évidemment tout ça dans son contexte. Dans un premier temps, Strangers in the Night, des étrangers dans la nuit, vous l'avez compris dans la traduction, c'est la bande originale d'un film, A Man Could Get Killed, marquant le retour de Sinatra sur le devant de la scène. Et il faut savoir que dans les années 1960, cette fameuse décennie est marquée par le plagiat dans la chanson. Et oui, et vous allez découvrir que Strangers in the Night en est une. En fait, à l'origine, la chanson a été composée par un Français au début des années 50 et la chanson s'appelait Magic Tango. C'était pour un ami en fait qui partait aux États-Unis. La chanson est sortie en 1953 et c'est un succès colossal dès sa sortie. Sauf que si vous comparez les deux, ce qu'on va pas faire maintenant, mais si vous comparez quand même les deux, vous trouvez les deux sur internet, eh bien vous remarquerez pour les plus mélomanes que Strangers in the Night possède 22 mesures identique à Magic Tango, la chanson des années 50. Alors dans un premier temps, le compositeur français, lui, est flatté que Sinatra reprenne ses mesures, puis après, il décide de porter plainte contre Sinatra, poussé par la SACEM française. C'est la SACEM qui le convainc de le faire parce que lui au départ il ne le voulait pas. Et finalement, après évidemment de longs mois, voire des années, les Américains finissent par reconnaître le plagiat et proposent même aux Français un arrangement financier amiable avec, vous vous en doutez, la condition de renoncer par écrit aux poursuites judiciaires. Il se protégeait naturellement. Alors la conclusion des juges à la fin de ce procès est assez mitigée parce que sur le papier, ben, c'était un plagiat indiscutable, mais dans les faits, au fond, ils pensent qu'un tango, ben, ça reste un tango, donc ça ressemble à tous les tangos, en fait. Et c'est de là que justement, et c'est pas que les juges pour le coup qui ont pensé ça, c'est dans l'opinion également, il y a eu un vrai débat entre ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre ce plagiat. Voilà donc comment un simple plagiat partiel d'une chanson d'un compositeur français est pourtant devenu l'une des chansons les plus célèbres de tous les temps, interprétée par certainement l'un des plus grands artistes de tous les temps. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. C'était Strangers in the Night, du seul et de l'unique d'ailleurs, Frank Sinatra, et c'est bien évidemment sur RDL dont vous connaissez d'ailleurs maintenant l'histoire. Et je vous propose sans plus attendre la chanson des années 1970, hein, vous en souvenez certainement si vous avez retenu le sommaire exact de cette émission que j'ai donnée au tout début. Alors en fait, il se trouve que c'est Lettre à France de Michel Polnareff, la chanson des années 1970 de cette émission. Elle date précisément de 1977, elle a été composée ce printemps de cette année-là, mais c'était le tube de l'été 77, et c'est Michel Polnareff lui-même qui compose cette chanson aux États-Unis, où il y vit depuis 4 ans, soit depuis 1973, afin d'échapper au fisc français avec qui il avait, et au passage, il a toujours des problèmes avec eux. Alors, il écrit à l'époque des chansons en anglais, il est plutôt bien installé aux États-Unis, il est heureux, enfin presque, puisque Lettre à France, hein, si on observe bien les paroles, eh bien, c'est surtout une chanson sur le mal du pays, sur la mélancolie, et cette chanson, elle est dans un bar new-yorkais, un matin, où il est pris de nostalgie après avoir entendu une chanson française à la radio. Des souvenirs lui remontent, hein, comme ça, de la France, il a même la musique en tête tout de suite, immédiatement, Et c'est là, justement, qu'il écrit les notes de musique de l'introduction et du refrain afin de ne pas les oublier dans ce bar new-yorkais. Donc, la musique, elle, prend définitivement forme sur un piano, hein, très vite après, quelques heures peut-être après dans la journée ou pourquoi pas le lendemain. Et il demande ainsi à son ami, le parolier Jean-Loup Dabadie, d'écrire les paroles. Dabadie, lui, est en France à ce moment-là. Et ce duo, qui ont déjà réalisé de nombreux succès, comme On ira tous au paradis, 5 ans plus tôt, en 1972, écrivent donc, réalisent plutôt cette chanson. Dabadie décrit l'état d'esprit de Paul Naref sur le moment, puisque évidemment Paul Naref fait un petit peu expliquer, et il s'inspire des explications de Paul Naref pour pouvoir écrire cette chanson. Je le disais tout à l'heure, la sortie, c'était en été 1977, le carton, lui, est assuré, et voici donc, sans transition, la célèbre et peut-être l'une des plus belles déclarations d'amour de la France à la France. Voici donc Michel Paul Naref qui nous décrit sa flamme, non pas d'une fille, enfin bref, puisque techniquement la France est féminin, mais de son pays natal, la France. Mais Depuis, je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi là-bas. Oui, j'ai le mal de toi parfois, même si je ne le dis pas, je pense à toi tout bas. Michel Paul Naref avec Lettre à France sur RDL, une magnifique chanson quand même, très très grande chanson, très très difficile à chanter hein, aussi accessoirement, c'est pour ça que très peu de personnes y arrivent d'ailleurs. Et à noter que Michel Paul Naref, il y aura un événement le concernant janvier 2019, il y en aura même deux d'ailleurs techniquement, puisque dans un premier temps il va sortir un nouvel album, et oui en janvier 2019, 29 ans après le dernier, son précédent album daté effectivement de 1990, il s'intitulait Kama Sutra, et c'est dans cette chanson qu'il y avait une certaine Goodbye Marilou quand même, donc c'est vous dire s'il est très très attendu son prochain album pour l'artiste de 74 ans, avec, on en est tous sûrs hein, tellement que c'est un génie, un grand artiste, certainement un grand titre phare qui également relancera, si je puis dire, sa carrière, puisqu'il n'a pas forcément besoin d'être relancé, la preuve, puisqu'on écoute encore ses chansons aujourd'hui. Et puis on aura la chance aussi de le voir sur scène, on aura ceux qui auront la chance d'avoir des places également pour une comédie musicale, puisqu'il interprétera également le rôle titre d'une comédie musicale, Fantôme de l'Opéra. Ce sera au Casino de Paris, là aussi en janvier 2019, pour 50 représentations exceptionnelles. Autant vous dire donc, je le disais, que sa rentrée sera particulièrement chargée, la rentrée elle décalée pour Michel Paul Naref, puisque elle aura lieu en janvier 2019. Tout de suite, voici donc la prochaine chanson, une chanson spéciale année 1980. Alors si je vous passe l'introduction de cette chanson, la prochaine chanson que nous allons ainsi écouter et évidemment décrypter ensemble, je vais vous faire écouter l'introduction, je suis certain que vous allez immédiatement reconnaître ce morceau, sachant d'ailleurs que je l'ai donné évidemment dans le sommaire. Le voici, ce fameux morceau. C'est le fameux En rouge et noir de Jeanne Masse. Pas de panique pour les frustrés, nous allons entendre le titre en entier dans quelques instants. Mais juste quand même le temps hein, pour moi évidemment de vous présenter cette chanson. Peut-être pas forcément dans l'angle que vous connaissez, c'est-à-dire c'est l'artiste, tel album, etc. Mais quand même tout de même de savoir comment cette chanson, tout simplement, eh bien, a été créée. Eh bien, En rouge et noir de Jeanne Masse date de 1986 et ça vient après les succès de Toute première fois, Johnny Johnny et Cœur en stéréo, autant vous dire que ce n'était pas tout à fait son premier succès, contrairement d'ailleurs à ce que j'ai dit au début de l'émission. Alors, juste avant la chanson Toute première fois, son tout premier titre, il faut savoir qu'elle a quitté son groupe de hard rock pour chanter en solo. Eh oui, quand même, elle était dans un groupe de hard rock. En même temps, quand on s'imagine le look qu'elle avait à l'époque dans les années 1980, on y croit hein, quand même. Alors, il faut savoir qu'après ces trois succès donc, que j'ai énumérés tout à l'heure, eh bien, elle cherche de nouvelles idées pour son prochain album. Et en 1983, elle a écrit une chanson. Elle aime particulièrement la mélodie et les couplets de cette chanson, mais pas du tout le refrain. En réalité, elle le déteste complètement, elle l'a mis de côté, et elle a enregistré une maquette tout de même. Mais elle la laisse de côté, c'est pas pour tout de suite, visiblement. Et trois ans plus tard, en 1986, donc, elle reprend cette maquette, donc elle change complètement le refrain et sa musique du refrain également, ce qui fait que en fait cette chanson c'est une sorte de mash-up, un mélange entre deux mélodies créées par Jeanne Masse, la mélodie des couplets que vous allez entendre, dont on a un petit peu d'ailleurs entendu la mélodie hein, avec l'introduction que j'ai diffusée tout à l'heure, et la musique du refrain la musique du refrain a été composée en 1986, celle des couplets trois ans plus tôt. Alors côté paroles, elle est véritablement en panne d'inspiration, elle ne sait plus vraiment sur quel thème quel thème évoquer après justement ses premiers succès qui évoquent justement l'amour. Alors du coup, elle part à Rome et c'est en flânant sur les bords du Tibre en plein après-midi à Rome, ensoleillé hein, évidemment puisque Rome Rome qui, où il n'y a pas de soleil à Rome, c'est pas très drôle. Eh bien, c'est là qu'elle songe à Stendhal et elle écrit ainsi ce texte hein, qui parle de regret. Alors, on va pas se mentir, tous les chemins mènent à Rome, ben, surtout pour En rouge et noir, d'ailleurs, de Jeanne Mas, qui pourtant fait référence au roman d'un grand dramaturge français, Stendhal. L'orchestration, l'enregistrement et le mixage de cette chanson se fera entre trois studios, et même entre des studios de trois pays. L'Italie, avec Rome, évidemment, la France, avec Paris, naturellement, et le Danemark, et oui, où elle a effectué un séjour. C'est un succès immense qui est issu de l'album Femme d'aujourd'hui, sorti en mai 1986. Voici, sans plus attendre, je ne vous fais pas languir plus longtemps, je sais que les grands fans des années 1980 adorent cette chanson et l'attendent avec impatience. Voici donc Jeanne Mas, en rouge et noir. Conseiller, j'aurais commis moins d'erreurs, j'aurais su me rassurer toutes les fois que j'ai eu peur. Je me serais blottie au chaud, à l'abri d'un vent trop fier, et j'aurais soigné ma peau, blessée par les froids d'hiver. J'aurais mis de la couleur sur mes joues et sur mes lèvres. Je serais devenue jolie. J'ai construit tant de châteaux qui se réduisaient en ça. J'ai prononcé tant de noms qui n'avaient aucun visage. Trop longtemps je n'ai respiré autre chose que de la poussière. Je n'ai pas su me calmer chaque fois que je manque d'air. Mes yeux ne veulent plus jouer ce maquis d'indifférence. Je renie mon innocence. En rouge et noir. J'aurais su vous pardonner. Je serais moins seule à présent. Somnambule, j'ai trop couru dans le noir des grandes forêts. Je me suis souvent perdue dans des mensonges qui tuent. J'ai raté mon premier rôle, je jouerai mieux le deuxième. Je veux que la nuit s'achève. Rouge et noir. Je voudrais tellement qu'elle s'arrête en rouge et noir. Ah, ça nous rappelle tous des souvenirs, hein, cette chanson Rouge et Noir de Jeanne Masse sur RDL, quel que soit l'âge d'ailleurs, parce qu'au fond, je pense qu'on la connaît tous. Jeanne Masse qui a fêté le 28 février dernier ses 60 ans déjà et qui est partie, elle aussi, comme Michel Polnareff d'ailleurs, vivre aux États-Unis. Et puis, à noter peut-être une anecdote un petit peu plus utile que celle que je viens de vous donner, eh bien c'est la première artiste, Jeanne Masse, en 1986, à être à la fois en tête des meilleures ventes de singles grâce à En Rouge et Noir et en même temps en tête des meilleures ventes d'albums. Ça, c'est véritablement un exploit qu'a réalisé Jeanne Masse. Alors, je suis sûr que vous mourrez quelque sorte envie de savoir pourquoi la chanson, et surtout dans quelle mesure, la chanson Tombée pour elle, qui date de 1995, a ainsi sauvé la carrière de son interprète, à savoir Pascal Obispo. Vous l'avez compris, c'est la chanson spéciale année 1990, hein, on change de décennie à chaque fois dans cette émission, et il faut savoir dans un premier temps que cette chanson Tombée pour elle, c'est issue de son troisième album, intitulé Un jour comme aujourd'hui, que le premier album d'Obispo date de 1990, qu'il passe quasiment inaperçu, faut dire que c'était les débuts, et ensuite vient le deuxième, un succès colossal, là c'est tout l'inverse, succès colossal avec notamment Plus que tout au monde, et du coup forcément après ce succès retentissant, bah, il doit un petit peu renouveler ce succès justement dans un troisième album. Et il faut savoir que sa maison de disques Epic lui met un petit peu la pression quand même, lui commande donc un troisième album et c'est alors qu'il se met à composer et à écrire des chansons. Parmi elles, une chanson qui, si la mélodie il la gardera, en tout cas pour le refrain, les paroles n'étaient pas du tout tombées pour elle, le titre ne s'appelait pas du tout Tombée pour elle, puisqu'il avait pour titre une capitale mondiale, Jérusalem. En gros, imaginez un petit peu sur l'air du refrain de la chanson Tombée pour elle, je suis tombé pour elle, je n'ai Dieu que pour elle, et bien, à la place, c'était... J'ai vu Jérusalem, c'est comme un requiem pour l'amour de Jérusalem. Voilà, alors on est d'accord que ça le fait un petit peu moins hein, que Tomber pour elle, on va pas se mentir. La maison 10, pour le coup, elle aussi, elle a pas du tout été convaincue. Elle verrait bien plutôt pour cette chanson une espèce de retour aux sources, en fait, sur un lieu qu'il connaît bien, plutôt justement qu'une capitale où il n'était jamais allé. Et bien du coup, c'est là qu'il décide d'écrire Tombée pour elle. Alors, contrairement à ce que plein de personnes peuvent penser, moi le premier d'ailleurs, hein, je vais l'avouer, en préparant cette émission, le elle, Tombée pour elle, c'est pas du tout référence à une fille, hein, c'est pas une chanson d'amour à une fille, mais même si c'est une chanson d'amour, c'est en fait une chanson d'amour pour le lieu où il passait ses vacances avec ses parents. Eh oui, c'était chez une cousine à sa grand-mère, c'était au bassin d'Arcachon, et après un hommage de Polnareff à la France, un hommage un petit peu plus local, cette fois pour Pascal Obispo. La chanson en fait relate son admiration pour le bassin d'Arcachon et particulièrement l'île aux oiseaux, on entend hein, quasiment dans toute la chanson et à la fin du refrain cette mention hein, de l'île aux oiseaux. L'album sort en 1994, mais le single, lui, Tombé pour elle, ou plutôt la chanson Tombé pour elle en tant que single, elle, sort l'année suivante. Parce que ça lui sauvera la vie dans la mesure où les deux premiers singles de l'album ne marchent pas du tout, ça ne conquit pas du tout le public, et Epic, sa maison de disque, envisage même de rompre son contrat avec lui à ce moment-là. D'où le fait que si Tombé pour elle ne marchait pas, puisqu'on lui aurait accordé une dernière chance, c'était donc Tombé pour elle, eh bien, il n'aurait pas réussi à faire carrière. En tout cas, pas comme ça, il n'aurait pas eu la grande carrière qu'il a eue, il serait peut-être pas, qui sait, ou pas, hein, mais il serait peut-être pas coach dans The Voice aujourd'hui. Alors, il faut dire que ils ont bien fait, hein, le patron d'Epic même, c'est le patron de la maison de disques, hein, qui lui a accordé une dernière chance avec ce fameux troisième single. On peut dire qu'il a bien fait et qu'il a eu du flair quand même sur ce coup-là, puisque la chanson est quand même restée 22 semaines au top 50, 300 000 exemplaires vendus, disque de platine et même le plus grand succès de Pascal Obispo avec Fan une dizaine d'années plus tard, en hommage à Michel Polnareff, plutôt en référence à l'admiration qu'il porte à Michel Polnareff. Vous voyez comment il y a des transitions entre les chansons dans cette émission, et justement inutile de faire une transition supplémentaire pour présenter ou plutôt pour lancer et diffuser la chanson Tombée pour elle de Pascal Obispo sur RDL. Tu es tombé du ciel, moi qui voyais le mal partout. Si l'amour est encore sur terre, rien n'efface les douleurs d'hier. Sans toi je n'aurais jamais pleuré autant de joie pour personne. Le canon qui résonne ici sous pilotis, refuge de mes amours engloutis. Mon cœur d'éponge à la dérive, les marées ne me feront revenir. Je reste avec les étoiles de mer, les oiseaux des terres amères, et mon cœur qui se perd. Je suis tombé pour elle, je n'ai Dieu que pour elle. Ma maison m'a tout éveil, quand mes amours prennent l'eau. Au-dessus des marais, j'aime de l'amour à perpétuité. Pour pile sur mer, arc inféré, la pointe de chevaux de mer d'été. Arcachon piqué, effraie les liens, les glaces sur la jetée. Pourrait bien me manquer. Je suis tombé pour elle, je n'ai Dieu que pour elle. Maison m'a tout éveillé, quand mes amours prennent l'eau. C'est ma tour de Babel, mon phare, ma citadelle, mon cinéma, mon repère. Mon oasis et mes amours à la poubelle, et quitte à perdre pied, ma maison, ma tour Eiffel, quand mes amours prennent l'eau. Je n'ai Dieu que pour elle. Ma maison à tour Eiffel, quand mes amours prennent l'eau. Mille aux oiseaux, mais je suis tombé pour elle. Je n'ai Dieu que pour elle. Ma maison à tour. L'île aux oiseaux, l'île aux oiseaux. Pascal Obispo et son Tombé pour elle, en hommage au bassin d'Arcachon et l'île aux oiseaux, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Pascal Obispo qui sort un nouvel album, qui a sorti un nouvel album à la rentrée 2018, et son single Chante, la rue chante, est d'ores et déjà disponible. Vous pouvez donc vous procurer l'album de Pascal Obispo, son tout nouveau, et puis une série de concerts évidemment est programmée. Alors je ne sais pas si ça commence à la fin de l'année 2018, mais en tout cas sur début 2019, il sera en tournée. Donc dans toute la France, il y a déjà des dates qui sont d'ores et déjà prévues. Et après Pascal Obispo, en 1995, a lui fait, j'allais presque oublier quand même une anecdote, cette anecdote très très particulière, très très profonde aussi d'ailleurs. Il faut savoir quand même y avoir en tête qu'en 1995, Pascal Obispo avait des cheveux. Eh oui, c'est important de le préciser. Voilà, c'est fait. On peut passer à la chanson suivante, ça va mieux. Et la prochaine chanson, alors, bon, moi, par exemple, elle date de 2002, cette chanson, donc c'est vrai que en 2002, moi, j'avais 9 ans, donc c'était pas forcément ma chanson du moment à ce moment-là. Mais pour les adolescents et les adolescentes, d'ailleurs, qui avaient 16, 17 ans, même 15 ans en 2002, il faut savoir que la chanson Le Chemin de Kyo, c'était véritablement leur Graal, en quelque sorte. C'était la chanson du moment, et c'était le groupe également du moment. Le Chemin, c'est le premier single du tout premier album éponyme du groupe français Kyo, dont le chanteur s'appelle Benoît Poher, et qui, après un certain passage à vide, ou en tout cas, ils n'avaient pas fait d'album, sont revenus il y a quelques années, je crois, en 2013, 2014, de mémoire, avec un très très bel album. Pour Le Chemin, le succès est immédiat, dès sa sortie, et lance même la carrière du groupe. C'est une chanson qui décrit le parcours difficile de deux amoureux, de la haine à l'amour, hein, de la haine parce qu'on peut entendre dans le premier couplet de la chanson « Regarde-toi assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ongle. » Et à l'amour, puisque dans le refrain on entend à la fin « Et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. » Ça tombe bien, ça rime. Alors, la chanson, on entend aussi une femme. Hein, vous allez entendre un homme, Benoît Poher, le leader du groupe. Mais aussi une femme, c'est une chanteuse néerlandaise qui a été choisie pour faire un duo. Puisque, évidemment, comme ça raconte l'histoire d'un couple, ils ont eu l'idée, le groupe, de faire un duo là-dessus. Et c'est Sita, une jeune chanteuse néerlandaise, issue d'une télé-réalité des Pays-Bas, qui a été choisie, mais qui n'a pas fait carrière en France. Au passage, aussi bien la télé-réalité que nous ne connaissons pas, celle-là, que la chanteuse en question, qui fait plutôt une carrière dans son pays natal. Et justement, une anecdote particulièrement intéressante sur la chanteuse, c'était pas celle-là, c'était pas Sita qui était initialement prévue pour apparaître dans ce single. C'était une chanteuse française plutôt connue aujourd'hui, qui n'était pas du tout à l'époque, qui était prévue au départ. C'était Aurélie Saada. Alors, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'une des deux femmes du duo Brigitte, en fait. En gros, c'est la plus grande, et c'est celle qui a les longs cheveux. Donc, c'est elle qui était initialement prévue pour figurer dans cette chanson, dans l'album. Au final, c'était plutôt Sita, et Aurélie Saada a même posé sa voix sur une maquette de la chanson qui a été diffusée il y a quelques mois sur Internet, et que vous pouvez, je crois, d'ailleurs encore retrouvé aujourd'hui. Voici tout de suite Le Chemin de Kyo, et c'est bien sûr RDL. Regarde-toi assise dans l'ombre, à la lueur de nos mensonges, les mains glacées jusqu'à l'ombre. Regarde-toi à l'autre pôle, fermez les yeux sur ce qui nous rouge. C'était Kyo sur RDL avec Le Chemin, une chanson dont on connaît forcément. Je parlais justement tous les chemins mènent à Rome. Et ben, en l'occurrence, sur RDL, tous les chemins mènent à Kyo. Et maintenant, je vous propose donc une dernière chanson. Une chanson, alors, pas tout à fait la dernière chanson de l'émission, mais une dernière chanson où on voyage, hein, vous le savez, de la décennie 1960 à la décennie 2010. Et là, justement, on arrive à la décennie 2010. Alors, la chanson, c'est Don't Be So Shy d'Imani, elle est sortie en 2014. Seulement, cette chanson, je vais la diffuser de manière un petit peu plus particulière, je m'explique, puisque cette chanson, en fait, a connu deux vies, avec deux versions différentes, vous allez comprendre. La première version, elle date de 2014, elle est chantée par Imani, comme la deuxième. D'ailleurs, Imani, une chanteuse française, francophone, qui fait figure de bande originale du film, un film choral, Sous les jupes des filles, c'est réalisé par Audrey Dana. La chanson est alors lente, plutôt classique, on va pas se mentir, surtout par rapport à la deuxième version, nettement plus connue, nettement plus rythmée, plus urbaine, surtout plus DJ, puisqu'elle a été remixée par les DJ Filatov et Karis, je crois qu'ils sont scandinaves de mémoire, ils sont d'origine originaire de la Scandinavie, et ils ont tous les deux redonné non seulement un second souffle à cette chanson, parce que il faut dire que en 2014, lorsque la chanson apparaît, on la connaissait pas vraiment. Elle était très très peu connue, cette chanson. Un succès international. Tous les pays connaissent cette chanson, surtout la France, évidemment, vu que c'est une Française qui l'a faite. Alors, pour cela, eh bien, vous allez vous rendre compte grâce à ce petit léger montage que j'ai ainsi effectué. C'est-à-dire que là, je vais vous présenter la chanson qui date de 2014. Dans un premier temps, vous allez ainsi écouter la version lente, c'est la version que l'on peut entendre dans le film Sous les jupes des filles d'Audrey Dana. C'est la version original de cette chanson, et ensuite vous en apercevrez forcément, on va basculer vers un son plus DJ, plus rythmé, et bien celle-là c'est justement cette fameuse version des DJ qui viennent de la Scandinavie et qui ont donné ainsi ce fameux second souffle à cette chanson. Ça s'appelle Don't Be So Shy, les deux versions sont chantées par Imani, mais le rythme, vous allez le voir, n'est pas du tout le même. Voici donc Don't Be So Shy sur RDL, ne sois pas si timide. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my skin, I'm in command. Can you feel my hips in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. So much faster, I drown myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, here so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Ah, ça change hein, quand même, hein. Je vous l'avais promis que ça change véritablement entre la première et la seconde version. Voilà, maintenant, vous connaissiez forcément la deuxième version hein, des DJ. Donc, eh bien, maintenant, vous connaissez la version originale de cette chanson. Parce qu'il faut le savoir qu'avant, c'était beaucoup plus lent, c'était beaucoup plus calme. Mais les paroles, elles, voulaient dire la même chose de la part de cette chanteuse française, Imani, qui est née à Martigues et qui a, je trouve, une voix sublime et particulièrement grave. Hein, une voix très, très originale qui, d'ailleurs, par le passé, lorsqu'elle était à l'école, elle se faisait moquer à cause de cette voix. Et puis, on peut dire, et je pense aussi que les fameux collégiens ou lycéens, je ne sais pas, mais en tout cas les personnes qui se moquaient ou qui se moquent peut-être toujours encore, je ne sais pas, de sa voix, en tout cas, ont dû changer radicalement d'opinion, je l'espère en tout cas. Voilà donc pour cette chanson, voilà donc pour ces 6 premières chansons phares entre les décennies 1960 jusqu'à celle de 2010. Je vous propose maintenant 2 chansons beaucoup, beaucoup plus contemporaines, encore plus que celle de Don't Be So Shy. C'est 2 chansons qui sont sortis en 2018. Dans un premier temps, une chanson que vous connaissez forcément, que nous allons réécouter, je vous propose, puisque en mai dernier, le duo Madame Monsieur représentait la France à l'Eurovision avec leur célèbre titre Merci, qui parle des migrants. Ils sont arrivés 13e, c'est l'Israélienne qui a gagné, hein, l'Israël donc qui a gagné. On ne sait pas encore où précisément va se dérouler l'Eurovision l'année prochaine. La logique veut que ce soit en Israël, à voir en fonction de la géopolitique d'aujourd'hui. La Turquie d'ailleurs qui, elle, boycotte hein, depuis 2012 définitivement, je ne sais pas, mais en tout cas volontairement ce concours qui cette année en 2018 a eu lieu au Portugal, à Lisbonne. Voici donc Merci de Madame Monsieur qui, il y a quelques semaines d'ailleurs, a sorti une toute nouvelle chanson et un tout nouveau clip sur YouTube. Voici je donc suis Merci. Ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi, oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre, oh non, excepté la vie. Je suis né ce matin, je m'appelle Merci. On m'a tendu la main et je suis en vie. Je suis tous ces enfants que la mère a appris. Je suis tous ces enfants que la mère. C'était donc merci madame, monsieur, merci à eux aussi hein, quelque part de nous avoir représentés. On va être honnête, on n'y croyait pas forcément, pas tous en tout cas, et peut-être pas autant Camille d'ailleurs, c'était il y a 2 ans, mais ils se sont plutôt bien tirés et puis on a quand même été tous unis derrière leur candidature. Ils sont arrivés 13e, un petit peu moins bien qu'Alma l'année dernière qui avait fini 12e et Amir évidemment 6e il y a 2 ans, mais quand même l'important c'est de ne pas s'être retrouvé dans les derniers, et on ne s'est pas retrouvé dans les derniers, vaut mieux être dans le milieu du classement en tout cas que dans les derniers. L'histoire de l'Eurovision nous l'a prouvé d'ailleurs à nous les Français. Et je vous propose d'achever cette émission avec une toute dernière chanson, une chanson que vous connaissez peut-être moins. Il faut savoir merci madame monsieur, effectivement c'est assez connu hein, puisque on l'a beaucoup entendu à la télévision. Celle-ci beaucoup moins, en revanche vous connaissez l'artiste puisque c'est Amel Bent qui a sorti un tout nouveau single il y a quelques mois intitulé Si on te demande. Elle y parle de son rôle de mère depuis qu'elle a accouché d'une petite fille le 17 octobre 2017, et c'est les prémices d'un tout nouvel album. C'est le 6e déjà qui sortira donc très prochainement. Son dernier album remonte quand même à 2014. Voici donc Si on te demande, c'est Amel Bent sur RDL. Tu ne sais rien. Ma vie est une série qui n'a pas de fin. Tu me trouves trop consignante, oui je le sais bien. J'essaie de rester souriante, ça maquille les chagrins. Et je dessine des cœurs sur les ratures. Je repeins mes peines au passé comme à 20 ans. La voix est raillée. Mm-hmm. c'est avec Amel Ben que nous nous quittons, parce que oui, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis, j'espère que cette émission vous a plu, j'espère vraiment que vous avez appris des choses, j'espère que vous apprenez des choses aussi au fur et à mesure des émissions, mais aussi pour toutes les chansons. Vous connaissiez peut-être déjà certaines histoires, ou peut-être pas forcément dans les détails, et puis d'autres pas du tout, ou en tout cas, vous connaissiez peut-être pas une ou l'autre chanson, peut-être la plus récente, et vous les avez ainsi découvertes. C'est toujours un plaisir, hein, pour être tout à fait honnête, de vous présenter cette émission, et puis j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, mercredi, à 10h sur RDL pour un tout nouveau numéro de musique. On décryptera ensemble et puis on chantera évidemment juste après les plus grandes chansons françaises et internationales des années 60 à 2010, sans oublier évidemment les toutes récentes qui viennent à peine de sortir. Excellente journée à tous sur RDL. Passez une excellente fin de journée, un bon mercredi et une très belle fin de semaine. À mercredi prochain, salut !